Enfin, Sharon dit la chaîne tes jobs, t'en as deux. Est-ce qu'elle croit que j'enchaîne ces deux jobs juste pour m'amuser, hein? Non, me bagarre à mort. Je m'accroche, j'essaie tout pour foutre le camp de ces putains d'HLM sinistres. Je travaille, je me prive. Je me donne un mal de chien. Pour trouver la porte de sortie, pour face, tourner vers la razzia. Faut frotter dur le parterre, speeder pour livrer tes pizzas. Tout comme supporter, faire partie des lèvres, tout comme des couches tard. C'est ça, la flexibilité, les horaires de bâtard. C'est rien d'autre que le créneau qu'on nous réserve. On tire sur la corde du chien, traîne pour qu'il donne le maximum dans la discorde et qu'il s'énerve. Et comme il s'énerve, on lui accorde toute la responsabilité de ses fourneaux. Ça tourne au drame, enfin merde, qu'est-ce qu'on en a vu des deux blémanes rester sur le carreau. Parce que le système stimule les systèmes. Si tu suces pas, tu montes pas qu'on se pue. Cursus bloqué dans la trappe, négro, Black et Rabza. Le rang se craque de voir que personne en France peut nous dub ça. C'est le poids des mots, le choc des générations, la vie qui la gâche. On va tout de même pas tous se réfugier dans le bis du H. Panache en quantité, fierté d'être malgache. En plus je me démène trop claustrophobe. Je fuis les clichés qui nous enferment. Les couleurs m'a tout d'ébène, accroché à leur chaîne. Tout se démène à fuir l'esclavage moderne. De couleurs m'a tout d'ébène, accroché à leur chaîne. Tout se démène à fuir l'esclavage moderne. Y'a que ça, bosser. Jamais de retard. Y'a que le travail. Entouré de surveillants, il sait rester vaillant parce que le cafre est croyant. Il veut mériter son salaire à la tâche, être respecté des autres. Ceux qui optent pour la flamme tricolore sur leur bulletin de vote. On nous remet sur le dos ce que la France n'a jamais pu assumer. Chômage et délinquance. Ne flirte pas que dans les quartiers, ok. Je veux bien être patient, indulgent mais en attendant. Les bras croisés, je ne verrai pas la couleur de l'argent. Il faut lire et avoir confiance en ce qu'il est écrit. Ceux qui sont démunis sur terre seront riches au paradis. L'espoir fait vivre, la réalité tue. Toujours tenir tête face aux problèmes qui s'accentuent. Mais moi, je nique la France, son histoire, ses rois et ses reines. Sa liberté d'expression, son esclavage moderne. Je vise la réussite, incite les autres à faire de même. Car dans la mer, personne te tend la main. Chacun te raconte sa bohème. De couleur m'a tout ébène, accroché à leur chaîne. Tout se démène à fuir l'esclavage moderne. De couleur m'a tout ébène, accroché à leur chaîne. Tout se démène à fuir l'esclavage moderne. J'en ai plein. À croire qu'à des malvoyants partout, je suis mal vu. Forcé d'être prévoyant, on n'accepte pas beaucoup la différence. Même quand tu pètes tendu, sous-entendu, va nous sale nec. Franchement, j'ai pas de préférence. Je crois pas au droit divin, pas l'intention de faire de révérence. On marche droit, du moins comme on peut quand on n'a pas de basta. On part de rien, tout à gagner pour pouvoir tendre vers le respectable. Envie d'inverser les tendances. L'homme dirige le système qui dirige l'homme. En tout cas, traité comme des bêtes de somme. En captivité, on se cogne. On sert à des barrières, le peu d'activité qu'on nous propose me rappelle qu'on fait que machine arrière. Qu'on n'a pas pris le devant des choses. Abandonner le black ou l'arabe à des rôles sociaux d'assister. La mère peut persister. J'entends parler les parents, ils disent vouloir retourner au bled. Qu'ici l'avenir de leurs enfants c'est d'être comparé à de la merde. Les gens sont stressés, égoïstes, méfiants, hypocrites. Ne pensent que par l'argent et c'est ce qui les pousse à la faillite. Je rêve d'un avenir stable, mais je n'ai pas le budget qu'il faut. Donc faut que je fasse gaffe à ma gueule si je veux pas finir dans le caniveau. De couleur m'a tout ébène, accroché à leur chaîne, tout se démène à fuir l'esclavage moderne. De couleur m'a tout ébène, accroché à leur chaîne, tout se démène à fuir l'esclavage moderne. Notre épée contre Babylone, Welcome Jazz, Junior, Jack.